À l'occasion du 7e congrès du Parti Travail de Corée, le Front anti-impérialiste français a fait paraître en brochure le 27 avril dans la maison d'édition démocrate l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, le service fidèle pour les masses populaires et le mode d'existence et la source de la force invincible du Parti Travail de Corée, alors que le Cercle allemand d'études de la culture coréenne l'a inséré le 26 dans son page d'internet. Il y a ajouté aussi son œuvre « La cause du parti des éminents camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il triomphera à coup sûr ».